Le jour de gloire est arrivé, enfant de la patrie. Kalashnikov chargé, toujours de la partie. Mais la patrie n'aime pas les négros, ça on ne me l'a pas dit. Alors je crache mon venin sur la barre, c'est la patrie. N'aie pas peur de la vitesse, quand c'est moi le conducteur. Ma tristesse au fond du chargeur, est au fond du cœur. Parce que je pense qu'à crâner, je vais sûrement cramer. Peu importe où j'irai, je serai thug à jamais. J'affronte les péripéties intempéries de la vie. J'en suis ravi, tant que mes proches sont à l'abri. Promettez-moi qu'ils iront tous au paradis. Soldat 9 de E, 92e compagnie. Mon rap a été crucifié en devenir Christ. Rire, en crever, rire, en devenir triste. Fuck le samedi, le lundi, le mardi. Sautons sans parapluie, allons bader. N'écoute pas P2O, ne fais pas ce que maladie. Génération Mad Max armée sous la gabardine. Ça fait de 9 à 5, pour moi c'est pas la vie. Tuez-moi tout de suite, emmenez-moi au paradis. Parmi les drogués, les bandits, les malfrats. J'ai grandi sur du Bob, Sugar Hill Gang et du Alpha. J'ai fait le tour de cette salope de planète Earth. En manque d'affection, j'ai fourré plus d'un 600 Earth. J'ai fait du trafic de substances chimiques. J'ai créé Lunatic, j'ai fait de la musique. Ennemi public, j'ai fait dans l'illicite. Son crâne et mon équipe, ma clique est magnifique. Mon sort, j'm'en bats les reins, pourvu que le mien s'en sorte. J'préfère mourir à ce lait que vivre en galérien. Je n'emporterai nada, je le sais mais peu importe. Je vais leur faire le hala avant de claquer la porte. Mon rap a été crucifié en devenir Christ. Rire, en crever, rire, en devenir triste. Fuck le samedi, le lundi, le mardi. Sautons sans parapluie, allons au paradis. N'écoute pas P2O, ne fais pas ce que maladie. Génération Mad Max armée sous la gabardine. Ça fait de 9 à 5, pour moi c'est pas la vie. Tuez-moi tout de suite, emmenez-moi au paradis. N'écoute pas P2O, ne fais pas ce que maladie. Je viens d'acheter en enfer un petit coin de paradis. Ça investit à Dubaï, à Abu Dhabi. J'aime moins me battre depuis que j'ai de nouveaux habits. Faut de serpent sur les chaussures, sans porc coller au schlass. Rapper toute cette haine, gros, c'est comme frapper au sac. Viens pas vendre ta 09, ici coupé au plâtre. Négro, plus pharaon, se fit sucer par Cléopâtre. Je l'ai serré si fort, je lui ai cassé le dos. Briser les omoplates, 500 holos, ostéopathe. Qu'est-ce que c'est faire mon peuple, à part grimper aux arbres. Te raqueter à la récré, appeler aux armes. Mon rap a été crucifié en devenir Christ. Rire, en crever, rire, en devenir triste. Fuck le samedi, le lundi, le mardi.